Book 2 60 60 60 في البنك à la banque à la banque أريد أن أفتح حسابا je voudrais ouvrir un compte Je voudrais ouvrir un compte. هنا جواز سفري. Voici mon passeport. Voici mon passeport. وهذا عنواني. Et voici mon adresse. Et voici mon adresse. أريد إيداع نقود في حسابي. Je voudrais déposer de l'argent sur mon compte. Je voudrais déposer de l'argent sur mon compte. أريد سحب نقود من حسابي. Je voudrais retirer de l'argent de mon compte. Je voudrais retirer de l'argent de mon compte. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Je voudrais recevoir mon relevé de compte. Je voudrais recevoir mon relevé de compte. أريد أن أصرف شيكاً سياحياً. Je voudrais toucher un chèque voyage. Je voudrais toucher un chèque voyage. كم قيمة الرسوم؟ À combien s'élève la commission? À combien s'élève la commission? أين ينبغي أن أوقع؟ Où dois-je signer? Où dois-je signer? أنتظر حوالة من ألمانيا. J'attends un virement d'Allemagne. J'attends un virement d'Allemagne. هنا رقم حسابي. Voici Mon numéro de compte. Voici mon numéro de compte. هل وصلت النقود, الفلوس؟ Est-ce que l'argent est disponible? Est-ce que l'argent est disponible? أريد أن أصرف هذه النقود. Je voudrais changer cette somme. Je voudrais changer cette somme. أحتاج لدولارات أمريكية. J'ai besoin de dollars américains. J'ai besoin de dollars américains. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Donnez-moi des petites coupures, s'il vous plaît. Donnez-moi des petites coupures, s'il vous plaît. هل يوجد هنا صراف آلي؟ Y a-t-il un distributeur automatique de billets? Y a-t-il un distributeur automatique de billets? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Quel montant est-il possible de retirer? Quel montant est-il possible de retirer? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Quelles sont les cartes de crédit qu'on peut utiliser? Quelles sont les cartes de crédit qu'on peut utiliser? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.